طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد والفضل والمنة في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، donc il est venu un hadith dans le recueil authentique de l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis toute personne qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. Il y a un homme qui répondit au prophète alayhi salatu wassalam et qui lui dit: ô messager d'Allah, certes l'homme aime porter de beaux vêtements ainsi que de belles chaussures. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم de répondre à cet homme et de dire: certes Allah est beau et il aime la beauté. وَالْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْتِ النَّاسِ. Mais l'orgueil n'est autre que le fait de réfuter la vérité et de mépriser les gens. نعم. ففي هذا الحديث بيان أن اسم الجميل اسم ثابت لله عز وجل. Et donc dans ce hadith, on tire que le nom Al-Jamil, qui signifie le beau, fait bel et bien partie des noms confirmés Allah Azza wa Jal. وَيَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْجَمَالِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَفِي ذَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. Et donc ce nom indique que la beauté est une chose ancrée en Allah Azza wa Jal, ainsi que en ses noms, en ses attributs, en son être et en ses œuvres. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وجماله سبحانه وتعالى على أربع مراتب. على أربع مراتب. Et la beauté d'Allah Azza wa Jal, comme l'a dit l'imam ibn al-Qayyim, elle est de 4 degrés. Le premier degré, Jamal al-Dhat, la beauté de son être. Le deuxième degré, Jamal al-Sifat, la beauté de ses attributs. Troisième degré, Jamal al-Af'al, la beauté de ses œuvres et de ses actions. Et quatrième degré, Jamal al-Asma, la beauté de ses noms. فَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَ. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous remplis, ou sont tous des noms d'excellence. نعم. وصفاته كلها صفات كمال. Et les attributs d'Allah sont tous des attributs de perfection. وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. Et ses œuvres, les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont tous remplies de sagesse et d'utilité, ainsi que de justice et de miséricorde. Ça, c'est les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. Et il dit, wa amma jamal al-dhat, mais en ce qui concerne la beauté de son être, wa ma huwa alayh, et en ce qui concerne la beauté de son être, fa amrun la yudrikuhu siwa wa la ya'lamuhu ghayruh, ceci est une affaire que personne ne peut concevoir. La beauté d'Allah Azza wa Jal, c'est une affaire que personne ne peut concevoir et que personne ne peut connaître en dehors de lui. Naam. Lakin, on se doit de confirmer qu'Allah est beau. Naam. Et que sa beauté n'a nul égal. Naam. Thumma qala l'imam ibn al-Qayyim, et ensuite l'imam ibn al-Qayyim dit, فَيُعْرَفُ اللَّهُ أَوَّلًا بِالْجَمَالِ الَّذِي لَا يُمَاثِلُهُ فِيهِ شَيْءٌ. Donc, on se doit de connaître Allah Azza wa Jal tout d'abord par la beauté. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la beauté suprême, qui n'a aucun pareil, aucun égo. Naam. Wa yu'bad bil jamal alladhi yuhibbuhu min al aqwali wal a'mali wal akhlaq. Et on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la beauté qu'il aime. Yani, parmi les paroles, les œuvres et les comportements. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يُجَمِّلَ لِسَانَهُ بِالصِّدْقِ. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que son serviteur, il embellisse sa langue par la véracité. C'est-à-dire le fait de dire la vérité. وَقَلْبَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالْتَوَكُّلِ. Et qu'il embellisse son cœur par la sincérité, ainsi que l'amour, ainsi que la confiance en Allah Azza wa Jal. وَجَوَارِحَهُ بِالطَّاعَةِ. Et qu'il embellisse ses membres par les actes d'adoration. وَبَدَنَهُ بِإِظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْهِ فِي لِبَاسِهِ وَتَطْهِيرِهِ لَهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَوْسَخِ. Et aussi, il aime que son serviteur, il aime voir la beauté de son serviteur, yani dans ses vêtements, les vêtements qu'il porte, lorsqu'il montre les traces du bienfait d'Allah sur lui. C'est-à-dire Allah, il l'a comblé de quelconque bien, et lui, il l'aime et il s'applique à montrer ses biens qu'Allah l'a comblé. S'il a comblé de l'argent, d'un peu d'argent, il s'achète avec cet argent, cet argent-là, de beaux vêtements. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir les traces de son bienfait sur son serviteur. Sur son serviteur, dans ses vêtements, ainsi que dans sa manière de purifier ses vêtements, des saletés et de différentes souillures. Naam. Fawa subhanahu wa ta'ala, yuhibbu dhuhur athari ni'matihi ala 'abdi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir les traces de son bienfait sur son serviteur. فَإِنَّهُ مِنَ الْجَمَالِ الَّذِي يُحِبُّهُ. Car ceci fait partie de la beauté qu'Allah aime. وَذَلِكَ مِنْ شُكْرِهِ عَلَى نِعْمِهِ. Et le fait que tu montres les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, ceci représente en vérité le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. نعم. وَالشُكْرِ جَمَالٌ بَاطِنٌ. Et le remerciement d'Allah Azza wa Jal, c'est une beauté intérieure. C'est-à-dire celui qui remercie Allah Azza wa Jal, il le remercie intérieurement. نعم. فَيُحِبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرَى عَلَى عَبْدِهِ الْجَمَالَ الظَّاهِرَ بِالنِّعْمَةِ وَالْجَمَالَ الْبَاطِنَ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir la beauté apparente, c'est celle que le serviteur il va utiliser pour montrer les bienfaits d'Allah sur lui, et il aime voir la beauté intérieure qui n'est autre que le remerciement. Qui n'est autre que le remerciement. Naam. Wa li mahabbati subhanahu wa ta'ala lil jamal anzala ala ibadihi libasan wa zinatan tujammilu zawahirahum. Et par amour, c'est-à-dire en vue de cette grande importance, de l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte pour la beauté, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des vêtements ainsi que des parures, de par lesquels les êtres humains vont pouvoir embellir leur apparence. وكذلك أمرهم بالتقوى لتجمل لتجميل بواطنهم. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses serviteurs, il a ordonné la crainte d'Allah Azza wa Jalla, la crainte révérentielle, afin que ils embellissent leur intérieur. C'est-à-dire ils embellissent leur extérieur, leur apparence par les vêtements et les parures qu'Allah a fait descendre, et ils embellissent leur intérieur par la crainte révérentielle. Na'am. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, Ô fils d'Adam, nous avons certes fait descendre sur vous des vêtements afin que vous cachiez votre nudité, ainsi que des parures. Et certes, le vêtement de la crainte est meilleur. Le vêtement de la crainte révérentielle est meilleur. Wa qala ta'ala fi ahli al-jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des gens du paradis, فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Et Allah les préservera, c'est-à-dire les gens du paradis, Allah les préservera du mal de ce jour, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Et il leur fera rencontrer splendeur et joie, immense bonheur. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Et il les comblera en fonction de ce sur quoi ils ont patienté, c'est-à-dire dans ce bas monde, il les comblera en récompense de cela du paradis ainsi que de vêtements de soie. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit juste après cela, فَجَمَّلَ وُجُوهَهُمْ بِالنَّضْرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala embellira les visages des gens du paradis par la splendeur. وَبَوَاطِنَهُمْ بِالسُّرُورِ. Et leur intérieur, il embellira leur intérieur par la joie. وَأَبْدَانَهُمْ بِالْحَرِيرِ. Et leur extérieur, leur corps, il l'embellira par les vêtements de soie. Par les vêtements de soie. والجمال هو حسن مظهر الشيء. Et la beauté n'est autre que la bonne et l'excellente apparence d'une chose. يقول الله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. Allah certes est celui et le savant de l'invisible et du visible, le puissant, le miséricordieux, celui qui a parfait ou qui a parachevé la création de toute chose, ou qui a excellé dans la création de toute chose. Na'am. ففي هذه الآية بيان واضح على إدخال أصل الجمال في إنشاء كل شيء. Et donc dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a excellé dans la création de toute chose, il y a une indication sur le fait que la beauté se trouve dans toute chose, la base de la beauté se trouve dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. نعم. ومن لوازم الجمال أن يكون الشيء خاليا من العيوب. Et fait partie de ce qu'implique la beauté d'une chose, qu'elle soit préservée et dépourvue de tout défaut. ولذلك عبر الله عز وجل عن السماء ونفى عنها الخلل. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a évoqué les cieux et leur beauté, il a réfuté toute forme de défaut, c'est-à-dire dans ces cieux. وَمَكْتَفَ بِذَلِكَ. Et il ne s'est pas contenté de cela. بَلْ تَحَدَّ النَّاظِرِينَ أَنْ يَجِدُوا فِيهَا أَدْنَى فُطُورٍ. Mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas contenté juste de réfuter les défauts des cieux, mais au contraire, il a pris au défi tout observateur, c'est-à-dire tout observateur du ciel, d'y trouver un quelconque défaut. Na'am. Qala ta'ala, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalq ar-rahman min tafawut. Farji' al-basara karratayn. Farji' al-basar, hal tara min futur? Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire Allah, celui qui a créé les sept cieux superposés. Tu ne vois pas dans la création du miséricordieux une quelconque disproportion. Si tu jettes le regard, tu ne trouveras pas. Est-ce que tu trouveras un quelconque défaut? ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Et si tu jettes le regard à deux reprises, c'est-à-dire vers le ciel, le regard reviendra humilié et frustré. C'est-à-dire, il n'aura trouvé en la création du ciel aucun défaut. Na'am. Et ceci indique l'énorme grandeur des cieux et leur beauté. Na'am. فَإِنَّهُ الْخَلْقُ الْهَائِلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et certes, le ciel, dont Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié l'évocation dans le Coran, n'est autre que cette création immense et gigantesque au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et certes le ciel que nous avons créé par notre force, et certes le ciel que nous avons créé par notre force, et que nous sommes sans cesse en train d'élargir. Wa qawluhu ma tara fi khalqi ar-rahman min tafahut. Et au sujet de la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne vois pas dans la création du miséricordieux la moindre disproportion. Lam yaqulillahu subhanahu wa ta'ala ma tara fi khalqiha min tafawut idh al-hadith 'an as-samawat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou plutôt il n'a pas dit, tu ne vois pas dans la création des cieux un quelconque défaut. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Mulk, il dit, tu ne vois pas dans la création du miséricordieux un quelconque défaut. Alors qu'il aurait pu dire, tu ne vois pas dans la création du ciel un quelconque défaut. Puisque là, le ciel, c'est le sujet du verset. Na'am. Et ceci, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne vois pas dans la création du miséricordieux un quelconque défaut, ceci montre que cette perfection n'est pas spécifique au ciel, mais qu'elle englobe toute la création d'Allah Azza wa Jal. Na'am. وهذا يدل انه ليس خاصا بالسماء. نعم. وقال الله عز وجل وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait descendre du ciel de l'eau de par laquelle nous faisons surgir des jardins. Na'am. Des jardins et des pâturages d'une grande splendeur. Ça montre encore que yani Allah subhanahu wa ta'ala, même les choses de la terre, il les a créées et il les fait sortir avec beauté wa jamal. Na'am. Fa jami' hadhihi al-ayat al-karima tu'akkid anna al-jamal fi bina' al-kawn amrun maqsud. Donc tous ces versets, ils indiquent et ils confirment que la beauté dans la création d'Allah Azza wa Jal est une chose voulue, est un but visé par Allah Azza wa Jal. وحتى في الألوان التي هي مادة الجمال جعل الله لها اعتبارا وذكرا في أحسن الذكر. Et même au sujet des couleurs, les couleurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une considération et les a évoqués dans le meilleur des dhikr, dans le meilleur des rappels, qui n'est autre que le Coran. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ثمرات مختلفا أنوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أنوانها يعني n'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau puis nous faisons sortir des fruits de couleurs différentes et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires wa gharabi busud yani et des roches excessivement noires wa min an-nasi wa ad-dawabi wa al-an'am mukhtalifun anwanuhu na'am et il y a pareillement dans les couleurs il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes les animaux et les bestiaux na'am fa fi qawlihi ta'ala mukhtalifun anwanuhu إشارة إلى التنوع والتدرج في اللون الواحد. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit d'une couleur différente, ceci est une indication sur les différentes nuances que possède une seule couleur. C'est-à-dire la couleur blanche a différentes nuances. Comme la couleur rouge et toutes les autres couleurs, elles ont des différentes nuances. نعم. فكل ذلك لبيان أن الجمال في الكون مقصود من الرحمن. Et tout ceci indique et montre et prouve que la beauté est une chose voulue dans la création de cet univers. وللإنسان من ذلك قسط كبير إن لم يكن الأعظم. Et l'être humain a en cela une grande part. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé à l'être humain une grande part de la beauté. نعم. Et il se peut que ce soit la plus grande part. وقد كثر في القرآن ما يدل على جمال الإنسان من أكثر من جانب. وما ذلك إلا لدلالة على أهميته وكرمه عند الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié dans le Coran les indications sur le fait ou sur la beauté de l'être humain. نعم. Et ceci étant afin d'affirmer son importance et sa valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la valeur de cet être humain. والأصل الذي ينطلق منه الجمال هي التسوية التام للشيء. Et la base dont découle la beauté n'est autre que le façonnement harmonieux de la chose. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Ô homme, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux, qui t'a créé et t'a façonné d'une manière harmonieuse. نعم. قال ابن كثير أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبا على أحسن الهيئات والأشكال. Et Ibn Kathir il dit au sujet de ce verset, c'est-à-dire Allah il l'a façonné, il l'a rendu droit, il l'a rendu d'une manière équilibrée. Il a fait de l'être humain qu'il se tienne d'une posture équilibrée, droite. Et il lui a donné la meilleure des apparences. والتسوية, et le mot تسوية en arabe signifie al-wusul bi-shay ila marhalati al-kamal min. Le mot taswiya en arabe ça sous-entend le fait de faire parvenir une chose à son degré le plus parfait. Wa minhu qawluhu ta'ala wa idha fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Et en confirmation à cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque la création de Adam, et il dit, lorsque j'aurai parachevé sa création, et que j'aurai insufflé en lui l'âme, alors prosternez-vous devant lui. C'est-à-dire, il demande aux anges de se prosterner devant Adam. N'aim. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَلَا بُدَّ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْجَمَالِ. Et donc si ce façonnement harmonieux provient d'Allah Azza wa Jal, c'est une obligation qu'il soit empli et rempli de beauté. Na'am. والقرآن لا يقف عند هذا الحد في تقرير جمال الإنسان بل يصرح بذلك بما لا يدع مجالا للري. Et le Coran ne se limite pas à cela pour indiquer la beauté de l'être humain. فلا يكتفي باستعمال لفظ الزينة وما كان في مستواه كما جرى في ذلك في حديث عن جمال السماء. Et il ne s'est pas contenté d'évoquer des mots comme le mot zina, la parure, et tout ce qui est semblable à ce mot pour indiquer la beauté de l'être humain, comme ce qu'il a fait pour le ciel. Lorsqu'il parle du ciel, il évoque énormément le mot zina, la parure. Naam. Mais au contraire, bal yastamilu lafd addal ala ghayat alhusn wal kamal wa huwa lafd ahsan. Ahsana. Et au contraire, pour l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a employé à certains moments un mot qui ne laisse aucune place pour le doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain d'une manière parfaite et emplie de beauté. Naam. Et c'est le mot ahsana, c'est-à-dire à exceller. Ahsana. À exceller. Naam. A atteint la perfection. فقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Allah, يعني, il a créé les cieux et la terre avec vérité et il vous a façonné et il a excellé dans votre apparence et il a excellé dans son façonnement de votre apparence. نعم. Et c'est vers lui le retour. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et nous avons certes créé l'être humain dans la forme la plus harmonieuse, la plus excellente. نعم. Tout ça prouve bien que l'être humain a été créé sur la base de la beauté. وحسن التقويم يشمل جميع محاسن الإنسان الظاهرة والباطنة من حسن صورته وانتصاب قامته وكمال عقله وحسن تمييزه. وهذا يفيدنا أن الحسن والجمال مقصود من الرحمن في خلق هذا الإنسان في ظاهره وباطنه. Et ceci nous indique que la beauté est une chose que le tout miséricordieux a voulu lorsque il a créé cet être humain. والجمال تختلف من شخص إلى آخر. Et la beauté, bila shak, qu'elle diverge d'une personne à une autre. لكن الكلام هنا على سبيل العموم. Mais lorsqu'on parle là, c'est d'une manière globale. D'une manière globale. فالجمال جمالان. Et la beauté est de deux sortes. جمال ظاهر وجمال باطن. Une beauté apparente et une beauté cachée. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض. Donc Ibn al-Qayyim dit au sujet de la beauté apparente, c'est une parure qu'Allah a accordée à certaines personnes et a privé d'autres. La beauté apparente, c'est une parure qu'Allah a accordée à certaines personnes et à l'exception d'autres. Naam. وهو من زيادة الخلق. Et ceci fait partie du rajout dans la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset ويزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit il rajoute dans la création ce qu'il veut, les mufassirins ont dit قالوا وهو الصوت الحسن والصورة الحسنة. Ce rajout-là, ce n'est autre que la belle voix d'une personne. Ça diverge d'une personne à une autre. Et c'est aussi son beau visage, ou sa belle apparence. Naam. وَلَمَّا كَانَ الْجَمَالُ مُخْتَلِفٌ بَيْنَ الْخَلْقِ شرع الله وسائلا ليدرك ذلك المقصود كل أحد. Et lorsque la beauté fut une chose qui diverge d'une personne à une autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré certains moyens qui permettront à tout à chacun d'atteindre ce degré. نعم. قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Et Allah dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses parmi la subsistance, ainsi que les bonnes choses parmi la subsistance, min al-rizq. نعم. فزينة الله الإضافة هنا لتشريف أي زينة الزينة التي خلقها الله، وهذه الزينة معدة ليستفيد منها عباد الله. Et donc la parure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir, il l'a fait sortir afin que ses serviteurs l'utilisent. بتجميل أنفسهم وتجميل بيوتهم وكل ما يتصل بهم. Afin qu'ils l'utilisent pour s'embellir et pour embellir leur maison, ainsi que tout ce qui est en lien avec eux. Tout ce qui est en lien avec l'être humain. وبهذا يعلم أن الزينة واتخاذ الوسائل لإدراك الجمال في هذه الحياة أمر مطلوب مرغوب فيه. Et avec cela, on constate et on apprend que le fait d'utiliser les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre et les moyens pour s'embellir sont dans cette vie d'ici bas sont des choses qui sont demandées à l'être humain. وهيأ الله لنا من الأشياء ما يساعدنا به على إنجاز هذه المهمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité dans cette vie là certaines choses qui vont nous aider à atteindre ce but. فسخر لنا البحر في جملة ما سخره لنا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a assujetti pour l'être humain la mer parmi bon nombre de choses qu'il a assujetti pour l'être humain. لنستخرج منه الحلية اللازمة لهذه المهمة. Afin que l'on puisse sortir de la mer de nombreux bijoux qui pourront aider l'être humain à atteindre ce degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. et c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que vous y mangiez une viande fraîche et que vous y sortiez des bijoux que vous porterez ou des parures que vous porterez. نعم. ومما يستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان والياقوت. نعم. Et parmi les choses qu'on sort, qu'on extire de la mer, il y a les perles ainsi que le corail, ainsi que les rubis, نعم. Et toute forme de parure qui proviennent de la mer. فالله سبحانه وتعالى يمن فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده بهذه الأشياء. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se vante sur ses serviteurs et il se vante de ses bienfaits faits à son serviteur par rapport à ces choses-là. مرج البحرين يلتقيان. قال الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans ce verset que il fait sortir de la mer pour les êtres humains les perles et le corail. Et ensuite il dit, quel bienfait de votre Seigneur réfuterez-vous donc? Non. فَإِنَّ اللُّؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ وَالْيَاقُوتِ وَسَائِلٌ أَصْلِيَّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَلِشِدَّةِ أَصَالَتِهَا فِي ذَلِكَ جَعَلَهَا اللَّهُ الْمَقَايِسَ الَّذِي يَضْرِبُ بِهَا الْمِثْلِ. Et en vue de ce que le corail, ainsi que les perles et les rubis, et tout autre parmi les parures que peuvent sortir la mer, en vue de ce qu'elles contiennent comme beauté et comme perfection, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces choses-là des exemples de, yani, par lesquels on compare la beauté d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces choses-là des exemples par lesquels on compare la beauté d'une chose. فإذا أريد التعبير عن جمال الشيء قيل كأنه الياقوت والمرجان. Et si on veut parler d'une la beauté d'une chose, on va dire qu'elle est comme le rubis ou le corail. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque en parlant des hur al-ayn, en parlant des femmes qu'Allah a créées pour le paradis, il les évoque en disant qu'elles sont aussi belles que le rubis ou le corail. نعم. وقال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ المكنون. نعم. وغيرها من الآيات كل هذه تدل على أن هذه الأشياء جعلها الله لعباده ليحصل إلى درجة الجمال. Toutes ces choses-là indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces choses sur terre pour que la personne ou pour que l'être humain puisse atteindre le degré souhaité de la beauté. نعم. فالتجمل أمر مطلوب من الرجال والنساء. Et donc le fait de s'embellir, c'est une chose voulue, c'est une chose recommandée, c'est une chose désirée, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. لكن لما كانت المرأة أعظم اهتمام بذلك لما جبلت عليه نسب أن نذكر بعض الأشياء مما يجملها. وهذا بغض النظر عن الأذواق فكلامنا في هذا الباب على سبيل العموم والغالب. Et donc comme c'est une chose, يعني la beauté c'est une chose, ou l'embellissement c'est une chose que doit prendre en considération tout un chacun, qu'il soit homme ou femme. Mais comme la femme, de par sa prime nature, est plus à même d'avoir une plus grande attention pour ce côté-là, c'est pourquoi, Inch'Allah, aujourd'hui, on va évoquer certaines choses qui embellissent la femme. Naam. Et ceci, c'est d'une manière globale et non pas d'une manière spécifique. فَكَلَامُنَا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْاِخْتِصَاصِ. Naam. قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. Le meilleur des bienfaits éphémères de cette dunya n'est autre que la femme pieuse. Naam. Le meilleur des bienfaits de cette dunya n'est autre que la femme pieuse. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va expliquer qui est cette femme pieuse. Qala wa hiya allati idha nadhara ilayha sarrathu. Et cette femme pieuse là n'est autre que la femme dont le mari l'observe, quand le mari l'observe, elle lui plaît. Naam. Wa al-hadith. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sarrathu ay bi jamaliha wa makarimi akhlaqiha. Et lorsqu'il dit elle lui plaît, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elle lui plaît, c'est-à-dire elle lui plaît par sa beauté et ses nobles caractères, ses nobles comportements. فالمرأة الصالحة هي التي كان الجمال فيها وصفا لازما فهي تعتني بهذا الجانب أيما اعتناء. Et donc la femme pieuse, c'est celle dont la beauté est devenue une de ses qualités indissociables. Indissociable. C'est-à-dire que c'est la femme qui prend soin de cette chose-là. Na'am. وكما تقدم ذكره الجمال جمالان جمال ظاهر وجمال باطن et comme on l'a évoqué, la beauté est de deux sortes, une beauté apparente et une beauté intérieure. فالظاهر هو المرئي منه, la beauté extérieure c'est celle qui est visible. وما هو ممكن رؤيته وهو الجسم وهو الجسم, ce n'est autre que l'apparence, le corps de la personne. واما الباطن اي الجمال الباطن قال الإمام ابن القيم وهو المحبوب لذاته. Mais en ce qui concerne la beauté intérieure, l'imam ibn al-Qayyim dit c'est cette beauté là qui est aimée en soi. C'est cette beauté là qui est aimée en soi. وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. Et ce n'est autre que la beauté de la science, de la raison, de la générosité, de la chasteté, ainsi que du courage. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله عز وجل من عبده وموضع محبته كما في الحديث. Et cette beauté là, ce n'est autre que cette beauté là qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe et aime, comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Certes, Allah n'observe pas vos apparences ainsi que votre argent ou vos biens, mais au contraire il observe ce qu'il y a dans vos cœurs ainsi que vos œuvres. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو السورة الظاهرة. Et donc l'imam Ibn Taymiyyah il dit que la beauté qui concerne le comportement, c'est-à-dire la science, ainsi que la foi, la croyance et la crainte d'Allah Azza wa Jal, est plus grande encore que la beauté qui concerne l'apparence. فالمرأة كل ما كانت عالمة بشرع الله عز وجل وعاقلة وكريمة وعفيفة كلما كانت أجمل وأجمل. Et donc la femme, plus elle est savante sur la religion d'Allah Azza wa Jal, plus elle est connaisseur, plus elle connaît la religion d'Allah, et plus elle fait preuve de raison et de générosité ainsi que de chasteté, plus elle s'embellit de jour en jour. نعم. وقال ابن القيم عليه رحمة الله ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. الإمام ابن القيم dit et parmi les choses qui montrent et prouvent que la beauté intérieure est meilleure que la beauté extérieure, le fait que les cœurs ne cessent d'honorer la personne dont le cœur est empli de beauté intérieure, c'est-à-dire par la science et par la foi. نعم. وقال والجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة. Et il dit aussi que la beauté intérieure elle embellit l'apparence extérieure. إن لم تكن ذات الجمال, même si cette apparence extérieure elle n'est pas en elle-même belle, elle deviendra belle par la beauté intérieure. نعم. فتكسو صاحبه من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسب روحه من تلك الصفات. Et donc la beauté intérieure n'aura de cesse d'embellir l'apparence de celui qui la possède, et ceci en fonction de ses nobles qualités intérieures. نعم. ثم قال فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان غير جميل. Et il se peut que tu peux trouver des gens, tu peux voir des gens pieux qui ont atteint le degré de l'excellence dans leurs œuvres, comme les savants ou autres. Tu trouves que c'est les gens qui ont l'apparence la plus douce, la plus belle. Même si, quand tu regardes bien, ils ne sont pas forcément d'une apparence belle. Mais tu vas les trouver beaux par rapport à cette beauté intérieure. Naam. Et ça, c'est une chose que n'importe qui peut témoigner. Les savants, ils ont une nour, ils ont une lumière rare tabiriya. Ils ont une lumière qui n'est pas naturelle. Naam. طيب فحسن الباطن يعلو على الظاهر ويستره. Donc l'intérieur, une fois qu'il est excellent, une fois qu'il est bon, il prend le dessus sur l'apparence. Il prend le dessus sur l'apparence. وقبح الباطن يعلو على جمال الظاهر. Et le mauvais intérieur, la personne lorsqu'elle a un intérieur mauvais, cet intérieur-là, ou ce mal-là, il prendra le dessus sur son apparence extérieure. نعم. فإذا كان الأثر بهذا الحجم فإن المرأة المسلمة مدعوة للتخلق بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق السيئة حتى تجمل باطنها فينعكس ذلك على ظاهرها. طيب et donc si il en est ainsi, c'est-à-dire que la beauté intérieure a le dessus sur la beauté extérieure, alors il est demandé à la femme musulmane de faire preuve d'un excellent comportement et de s'éloigner des comportements mauvais. نعم. اذا فعندما يجمل فإنما إذا فعندما يجمل الباطن فإنه يغلو بحسنه على الظاهر وهذا أمر يحس به كل الذين يتعاملون مع الإنسان. Donc une fois que l'intérieur il est bon, cet intérieur là il aura, ou cette beauté intérieure aura le dessus sur la beauté extérieure. Et c'est une chose que toute personne qui est en contact avec les êtres humains peut constater. Une personne, tu peux la voir, elle a une apparence, elle est belle d'apparence, mais tu vois sur son visage, Abdulma, tu vois les ténèbres sur son visage. Limada, lian al-batin, khabith. Et une personne dont tu vois, il n'est peut-être pas forcément d'une beauté claire, mais tu le trouves d'une beauté. عظيم بسبب ما في بطنه نعم ما في جوفه نعم طيب فالمرأة الصالحة الجميلة هي التي كان باطنها مليئا بالإيمان مليئا بالإيمان بالله ورسوله والاستسلام بأمرهما ومليئا بالأخلاق الفاضلة وخاليا من الأخلاق الرذية. Et donc la femme pieuse et belle n'est autre que celle dont le cœur est rempli de foi, de croyance en Allah Azza wa Jal, ainsi qu'en son messager, et de soumission à leurs ordres, ainsi que rempli de bons comportements, et dépourvu des mauvais comportements, qu'al kibr, wal hasad, wal hiqd, wal makr, wal khida', dépourvu de mauvais comportements comme l'orgueil, ainsi que la jalousie, la rancœur, la ruse, et la trahison. فكل ما أطاعت المرأة ربها ورسوله ربها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ازدادت استنارة وبهجة. Donc la femme, plus elle obéit à Allah Azza wa Jal, plus elle et à son messager, plus elle s'embellit. نعم. ولا أعني بهذا الكلام أنها تقتصر على الجمال الباطن بل عليها أن تحرص كل الحرص على تحصيل الجمال الظاهر. Et on ne sous-entend pas par cette parole-là que la femme doit se contenter de la beauté intérieure. Non. Mais au contraire, elle doit faire un effort pour atteindre la beauté extérieure avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme possibilité. نعم. وكما تقدم الأمران متلازما. ومن الأمور التي تحصل بها للمرأة درجة الجمال في الظاهر Et parmi les choses qui vont embellir la femme dans son apparence, il y a la première des choses, et c'est la chose la plus importante. Qui pour, dans l'embellissement de la femme, la chose la plus importante, c'est-à-dire dans son apparence. الركن الأساسي في جمال المرأة هو أنوثتها وهذا يشمل الرقة والحنان والحياء والوداعة. Donc la chose la plus importante pour que la femme s'embellisse ou dans l'embellissement, concernant l'embellissement de la femme, c'est le fait qu'elle fasse preuve de féminité. نعم. Qu'elle fasse preuve de féminité, et la féminité englobe la douceur ainsi que la tendresse, la pudeur et tout ce qui va avec. نعم. بخلاف الرجال بخلاف الرجال فليست هذه ما عدا الحياء من أوصاف الجمال فيهم. Et ceci contrairement aux hommes, car toutes ces qualités, c'est-à-dire la tendresse, la douceur, la pudeur, à l'exception de la pudeur, parce que la pudeur pour les hommes aussi c'est une qualité de perfection. نعم. À l'exception de la pudeur. En tout cas, toutes ces autres qualités pour l'homme, ce ne sont pas des qualités de perfection. نعم. بل الركن الأساسي في جمال الرجل هو رجولته. يعني la base de la beauté d'un homme, c'est ماذا؟ رجولته. Masculinité. C'est sa masculinité. نعم. Le fait qu'il soit, يعني viril ou virilité ou نعم. Ça c'est la base de sa beauté. نعم. وهذا تشمل الشجاعة وقوة العزيمة وغير ذلك. Et ceci, c'est-à-dire la virilité de l'homme, ça sous-entend le courage et ça sous-entend le fait d'aller de l'avant. Tout ça, c'est des qualités par lesquelles l'homme s'embellit. نعم. فالمرأة كل ما زيد فيها من الرقة والحنان كل ما زيد فيها جمالا ونورا. Et donc la femme, plus elle fait preuve de douceur et de tendresse, plus elle s'embellit. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء أركبن الإبل صالح نساء قريش. Les meilleures des femmes, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit les meilleures des femmes, c'est-à-dire les meilleures des femmes في هذه الدنيا, sont les meilleures des femmes parmi les femmes qui montent à chameau, c'est-à-dire parmi les femmes arabes, sont les femmes de Quraysh, les femmes de la tribu de Quraysh. Et ensuite il dit ahnahu ala alwalad fi sigarih. Pourquoi? Parce qu'elles sont les plus douces envers l'enfant lorsqu'il est petit. Elles sont les plus douces envers l'enfant lorsqu'il est petit. Wa qawluhu ahna ala waladin fi sigarih ay hunna dawat alhanan. Et lorsqu'il dit elles sont les plus douces, ça veut dire que c'est des femmes dotées d'une extrême tendresse. وهذه إشارة إلى شدة أنوثتها إذ الحنان والرقة من أركان الأنوثة من أركان أنوثة المرأة. Et ceci indique encore une fois, ceci indique la forte féminité de ces femmes, car la douceur et la tendresse sont les piliers de la féminité de la femme. فيستكمل الرجل في زوجته الرقة والحنان. Donc l'homme il complète son manque de douceur et de tendresse avec son épouse. Hein? L'homme il complète son manque de douceur et de tendresse avec son épouse. وتستكمل المرأة في زوجها القوة والأمن والشجاعة والإقدام. Et la femme elle complète son manque avec son mari son manque de force, de sécurité et de courage. نعم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est Allah qui vous a créé d'une même et unique personne et qui a fait de chacun d'entre vous, qui a créé pour chacun d'entre vous son épouse afin que ils cohabitent ensemble. نعم. فكل ما وصفت المرأة بالشدة والغلظة كل ما نقصت من أنوثتها. Et donc la femme, plus elle est qualifiée comme étant dure et rude, plus cela diminue de sa féminité. Et comme l'ont dit certains auteurs, ماذا بقي للمرأة من الجمال وقد ذهبت أنوثتها برقتها ولطفها ونعومتها. Et certains auteurs, ils ont dit, que resterait-il de la femme comme beauté alors que sa féminité est partie, emportant sa douceur et sa tendresse. وكذلك ماذا بقي للرجل من الجمال وهو يحاول أن يقلد النساء عياذا بالله. Et aussi, qu'est-ce qui resterait à l'homme comme beauté lorsque lui il essaie de s'efféminer ou de s'apparencer aux femmes. Qu'Allah nous en préserve. فالجمال الرجل أن يكون رجلا. La beauté de l'homme, c'est qu'il soit homme. يعني dans tous les sens du terme. وجمال المرأة أن تكون امرأة. Et la beauté de la femme, c'est qu'elle soit une femme. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. Et c'est pourquoi le prophète sallam il a maudit les hommes efféminés ainsi que les femmes qui s'apparencient aux hommes. نعم. وكذلك من أوصاف التي لها آثار في جمال المرأة الحياء. Et aussi parmi les attributs et les qualités parmi les attributs et les qualités qui permettent à la femme d'atteindre un haut degré dans la beauté, le fait qu'elle fasse preuve de pudeur. Et donc c'est une qualité précieuse et énorme. اتصفت بها الصالحات من قديم الزمان إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. Et c'est une qualité dont font preuve toutes les femmes pieuses depuis les débuts, depuis la première ère jusqu'à la venue de l'heure. C'est une qualité propre aux femmes pieuses. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué, lorsqu'il a parlé de la fille de Sahib Madian, فَجَاءَتْ تَمْشِي عَلَى مَاذَا عَلَى اسْتِحْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala il évoque la fille, l'une des filles de l'homme de Madian, c'est-à-dire c'est la contrée où Moussa a trouvé refuge. Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala que l'une de ses filles, lorsqu'elle est partie à la rencontre de Moussa, elle a marché d'une démarche pudique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'évoque rien dans ce Coran, pas une lettre par hasard. Tout est pesé. Na'am. Ceci, il a voulu indiquer le noble comportement de cette fille-là, qu'elle est venue à Moussa avec une démarche pudique. فَكُلُّمَا ازْدَادَتِ الْمَرْأَةِ حَيَاءً وَحِشْمَةً كُلُّمَا تَجَمَّلَتْ. Donc la femme, plus elle fait preuve de pudeur et de honte, plus elle s'embellit. فَهِيَ صِفَةٌ جَمَالِيَّةٌ رَفِيعَةٌ وَهِيَ تَوْكِيدٌ لِلْأُنُوثَةِ أو لأنوثة المرأة. Et donc cette caractéristique, la pudeur, est une confirmation de la grande féminité de la femme. وتجعلها ذات رواء وإدلال وتحفظها في دائرة الفضيلة والخير. Et ce caractère là, il protège la femme et il la met dans la sphère du mérite et des bienfaits. وقد أدى الاختلاط إلى فقدان هذا الأصل. Et malheureusement, la propagation de la mixité entre les hommes et les femmes ont eu pour résultat de faire disparaître cette chose, c'est-à-dire la pudeur de la femme. والله المستعان. فخروج المرأة بين الرجال تشوه صورتها وجمالها وكذلك ذهابها إلى بعض الأعمال الشاقة التي تختص بالرجال. نعم. تنقص من جمالها وتشوه جسدها. Et aussi, la femme lorsqu'elle sort au milieu des hommes, hein, sans un quelconque besoin, lorsqu'elle sort au milieu des hommes, ceci enlaidit son apparence. Ceci enlaidit son apparence. Tout comme lorsqu'elle accomplit des travaux, des labeurs ou des tâches qui sont propres aux hommes. نعم qui sont propres aux hommes. نعم ومن الأمور التي تعين على إنجاز هذا الأمر النظافة. Et aussi parmi les choses qui aident la femme à atteindre le degré voulu de la beauté, le fait de prendre soin de la propreté. نعم فالنظافة عامل أساسي في بناء الجمال فهي مطلوبة منها ومطلوبة في جسمها وثيابها ومطلوبة حتى في منزلها. Donc la propreté, c'est la base, c'est l'une des bases d'où découle la beauté d'une chose. Et donc la propreté, c'est une chose qui est demandée à la femme, que ce soit dans son apparence, dans son corps, ou dans ses vêtements, ainsi que même dans son foyer. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les repentants et il aime ceux qui se purifient. وقال تعالى والله يحب المتطهرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient. نعم. وفي الحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Et dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit عليه الصلاة والسلام, la purification et la moitié de la foi. La purification et la moitié de la foi. فالمرأة المسلمة تعتني بهذا الجانب اعتناء فائقا. Et donc la femme musulmane, elle fait énormément, ou elle porte énormément son regard sur la propreté. Que ce soit la propreté sur elle-même, que ce soit la propreté de ses enfants, que ce soit la propreté de son foyer ou de son mari même. نعم. Elle fait énormément attention à cela. نعم. ومن تلك الأمور التي تحصل بها الجمال سنن الفطرة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. Et aussi parmi les choses qui apportent ou aident à atteindre la beauté, le fait d'accomplir les traditions de la prime nature. Les traditions que le prophète صلى الله عليه وسلم a évoquées dans le hadith de Abi Huraira, lorsqu'il dit les traditions de la prime nature sont de 5. Premièrement, la circoncision, al-khitan, wa al-istihdad, wa qas al-sharib, wa taqlim al-athfar, wa nadf al-ibd. La circoncision, et la circoncision, cela concerne les hommes obligatoirement, et aussi les femmes d'une manière recommandée. C'est recommandé, la circoncision des femmes. Et il y a une différence à faire entre la circoncision et l'excision. L'excision, hada haramun wa dhulmun. L'excision, c'est une chose interdite en islam, et et c'est une injustice qui est commise à la femme. Donc là, ce n'est pas le but visé du hadith. Le but visé du hadith, c'est la circoncision. L'excision, c'est le fait d'enlever la totalité de l'appareil génital. Naam. Tandis que la circoncision avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sujet dans le hadith, ce n'est que d'enlever une partie infime de la partie génitale de la femme. Et ceci, comme c'est venu dans d'autres hadiths, cette sunna embellit la femme. Ceci, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement expliqué, ceci, c'est-à-dire la circoncision de la femme, ceci l'embellit et est meilleur pour son mari. Naam. Ou le hadith, on a déjà vu son explication dans les cours précédents. Taïb. Wa kadhalika l'istihdad, le fait de s'épiler le pubis ainsi que les dessous de bras. Naam. Et quand on dit le pubis, c'est aussi le pubis et le derrière. Naam. Tous les endroits autour des parties intimes où il y a des poils, et on se doit d'enlever ces poils. Waqas al-sharb, et le fait de diminuer la moustache, donc ça c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Wa taqlim al-athfar, le fait de se couper les ongles, ça c'est pour les hommes comme pour les femmes. Wa nadf al-ibd, et nadf al-ibd, c'est ça, le fait d'arracher les poils dans dessous des bras, des aisselles. Donc ça, tout cela, ça fait partie, bel et bien, des moyens légiférés par lesquels la femme, elle peut atteindre la beauté voulue et nécessaire. Et ceci aussi, ça montre, ce hadith-là, il montre que la femme, elle doit se faire belle pas non seulement, pas juste pour son mari ou pour les gens qui la voient, mais aussi pour elle-même. Mais aussi pour elle-même. Parce que ces endroits cités dans le hadith, comme le pubis ou autre, c'est des endroits que seule elle peut être amenée à voir. Donc il est important que la femme, elle se passe belle, même pour elle-même. ومن تلك الأمور العناية باللباس الطيبة الجيدة. Et aussi parmi les choses qui augmentent la beauté de la femme, le fait qu'elle ait une attention particulière sur le fait qu'elle porte de beaux vêtements. نعم. فعلى المرأة أن تتجمل باللباس الحسنة فإن هذا من أعظم ما يحصل به الجمال. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. نعم. Et donc la femme, elle se doit, ou il est bon qu'elle s'embellisse en portant de beaux vêtements, car ceci est un excellent moyen d'atteindre le but. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a souvent répété, il a dit: et qui a interdit la parure, les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. قال الإمام القرطبي في تفسيره, الإمام القرطبي dit au sujet de ce verset: الزينة هنا الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه. La parure dans ce verset n'est autre que le beau vêtement pour celui qui est capable de se l'acheter. Le beau vêtement pour celui qui est capable de se l'acheter. Là, il y a un frère qui demande: est-ce que même elle peut porter ces vêtements-là à l'extérieur? Non, ça c'est là on parle des vêtements qu'elle met avec ses proches ou autres. Mais fil kharij, lorsqu'elle sort et qu'elle peut rencontrer des hommes étrangers, elle se doit de mettre un vêtement sobre. De mettre un vêtement sobre qui n'attire pas l'attention sur elle. نعم. طيب. قال: ويدخل في ذلك اجتناب الملابس المحرمة. Et lorsqu'on dit qu'elle doit porter de bons vêtements, ceci comprend aussi le fait qu'elle doit s'éloigner de tout vêtement interdit. Soit ils sont interdits parce que c'est une apparence aux mécréants, soit ils sont interdits parce que ils montrent la aura à des gens qui n'ont pas le droit de l'avoir ou autre. Donc la femme, elle se doit de prendre ou d'avoir une attention particulière à son apparence et à sa prestance devant celle qu'elle rencontre parmi les sœurs ou parmi ses maharim. Il est venu à hadith d'Aïcha qu'elle a dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب. Il y avait un groupe parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام qui attendait le prophète عليه السلام à la porte de sa maison. فخرج يريدهم. Et donc le prophète عليه السلام il est sorti pour les voir. C'est-à-dire il n'est pas encore sorti de sa maison, mais il est sorti de sa chambre pour aller à la rencontre de ses compagnons. وفي الدار ركوة فيها ماء. Et dans la maison il y avait une espèce de bassin ou un petit récipient d'eau. فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est mis à regarder dans l'eau et il a pris cette eau là comme en guise de miroir et il s'est mis à ajuster ses cheveux ainsi que a peigné sa barbe. فقالت عائشة: يا رسول الله أنت تفعل هذا؟ Et عائشة l'a dit au prophète صلى الله عليه وسلم: oh prophète d'Allah, toi tu fais cela? Après le prophète عليه الصلاة والسلام lui a répondu: نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. Il dit: bien sûr, l'homme lorsqu'il sort vers ses frères, il se doit d'être présentable. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté. نعم. فيدخل وكذلك فيدخل في الهيئة الحسنة العناية بالشعر. qalilan kana am kathira. Et aussi fait partie de la bonne apparence le fait de prendre soin des cheveux. Que la femme prenne soin de ses cheveux. Qu'elle ait beaucoup de cheveux ou non. Les hadiths d'Abi Huraira radhiyallahu anhu, en vue du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit man kana lahu sha'r falyukrimuh. Celui qui a des cheveux, qu'il les honore. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud ou Hassan. والإكرام هنا ليس إلا النظافة والتمشيط والتطيب. Et lorsqu'on parle de honorer ses cheveux, c'est-à-dire les laver, en prendre soin, les peigner et les parfumer. نعم. Et aussi les mettre d'une manière, les coiffer d'une manière qui est acceptable. Parce que la femme, lorsqu'elle met ses cheveux, elle regroupe tous ses cheveux au-dessus de sa tête, ceci est blâmable. Et ceci est un signe parmi les signes des femmes de l'enfer. Iyadan billah. Ça veut dire que même quand elle se coiffe, elle doit se coiffer d'une manière légiférée. Na'am. Wa min al-hayya al-jamila talaqat al-wajh li'annaha ta'bir 'an as-samaha war-ridha an-nafsi. Na'am. Et aussi parmi les bonnes apparences que la femme doit adopter ou qu'il est bon qu'elle adopte, le fait d'être souriante. Le fait d'être souriant. Car ceci indique un contentement et un bien-être. Yani que ceci indique un contentement et un bien-être. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Ne méprise pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne méprise pas un quelconque bien. Wa law an talqa akhaka biwajhin taliq. Même si ce n'est que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Na'am. Wa min al-umur allati يحصل بها الجمال حسن الحديث والمكالمة. Et parmi les choses qui sont des moyens pour atteindre la beauté, le fait de tenir une bonne parole, c'est-à-dire que la femme tienne de bons propos. فإن حسن القول يجعل النفوس في الصفاء وود وتعاون ومحبة. Car la bonne parole résulte ou provoque aux âmes yani de l'amour ainsi que de l'entraide. قال الله تبارك وتعالى قل لعبادي يقولوا التي هي احسن. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à mes serviteurs qu'ils disent ce qui est meilleur. وعمدة القول الصدق. Et la base de la bonne parole n'est autre que la véracité. فكلما كانت المرأة صادقة كلما ازدادت جمالا وبهجة. Et donc la femme, plus elle fait preuve de véracité, plus elle s'embellit. Wa husn al-hadith yatadamman ijtinab al-khawf fi al-batil wal-mira wal-jidal wal-mukhasama was-sab wa bada'at al-lisan wal-la'n wa ma fihi sukhriya wastihza' bin-nas wal-kadhib wal-ghiba wal-namima. Et lorsqu'on dit que la femme doit tenir un bon langage, ceci sous-entend le fait qu'elle s'éloigne aussi de tout discours batil, ainsi que de toute dispute et de tout débat inutile, de toute insulte, de toute grossièreté, ainsi que le fait de maudire une personne et de se moquer de personne, ou de mentir, ou de calomnier, ou de faire de la médisance. Elle doit s'éloigner de tout cela. وهناك بعض الافعال. Et enfin, il y a certaines actions que la femme lorsqu'elle les fait, ça diminue de sa beauté. Ça diminue de son apparence belle. مثل العطس والتثاؤب والجشع. Comme le fait de rôter, d'éternuer ou de bâiller. فهناك يشرع وضع اليد على الفم فيخفف قبح المنظر بل يجمله يجمله بل يجمله. Et il a été légiféré lorsque l'on baille de mettre la bouche devant la bouche, de mettre la main devant la bouche. Non, de mettre la main devant la bouche, car ceci limitera la mauvaise apparence de la chose, mais au contraire, ça l'embellira. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. Et ceci en guise d'application du prophète du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا مخلص يعني ملخص مفيد في هذا الموضع المهم الذي هو الجمال. Donc ça c'était un résumé sur ce sujet important qui n'est autre que la beauté. فتأملوا يا عباد الله واعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال والحمد لله رب العالمين. نعم ونكمل بهذا الكلام هذه المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.